Thank you.

je déchite un jour auront ma peau, mon cerveau, son propre acide. Oh, comme j'aimerais noyer dans le liquide, descendre à reculons comme Arthur Rimbaud. We'll be right back.